Qu'est-ce qu'ils envoient, les drones? Des bombes ou des bonbons pour les petits-enfants? On tue 50 gamins pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde, peut-être? On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington. On a vu l'effondrement de la bulle financière. Mais on continue à imprimer de la monnaie pour retarder l'inéluctable. Dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Ils en ont rien à foutre de ce que l'on pense. Ils nous laissent la croûte, jouant avec la finance. La guerre c'est lucratif, allez prépare la vaseline. Ça tue pour un objectif, la haine nous contamine. Occident pille, assassine, en toute gratuité. Franchement ça te fascine, de voir tes terres pillées. S'expatrier c'est pas normal, fuck ces députés. Mais ça la fout mal, quand tu vois ce qu'on est payé. Attentat orchestré, mais j'en sais rien moi. Où est la réalité? Pourquoi croire leurs infos? Des magots et leurs propos qui attaquent certains pays pour du profit. Eux qui détournent des euros, jouent avec les mots. Non pas pour aider les habitants mais sécuriser des ressources. C'est plus qu'hallucinant, c'est navrant. Gouverné par des fous qui jouent avec notre pays. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvrez les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule égalité. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvrez les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule mentalité. J'défends la raison pour laquelle j'ai pris le micro. D'écrire mes pensées pour évacuer tous ces mots, tout ce mal, tous ces morts dans l'indifférence. Tous ces drames, tous ces porcs, leurs pratiques féroces. Je comprends pourquoi l'évolution n'est qu'une théorie. Il fait le constat, moi tout ce que je vois c'est horrible. Baratin à longueur de journée à la télé. On vit dans un monde de fêlés. Ils veulent des thunes à ne plus savoir quoi en faire. Jusqu'à bombarder des peuples et leur faire vivre un enfer. Comment peut-on encore cautionner? Ça fait longtemps que l'alarme a sonné. Ouvre les yeux, affronte le monde avant que ce monde t'ouvre les yeux. Un pour tous, tous ensemble, c'est tous ensemble qu'on peut faire mieux. Alors je partage ces écrits avec mes acolytes. La musique c'est dansant comme du rouge pour un alcoolique. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvre les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule égalité. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvre les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule mentalité. Tu peux regarder mon visage, y'a des rites dessinés. Passe les âges, la vie m'a décimé. Pourquoi ça fait si mal? Pourquoi j'ai des cicatrices? Nature animale, y'a de grandes félatrices. La terre est terrorisée, la poussière de tous ces morts menace la culture qui se retranche dans ses torts. Dans le fond j'ai plus de larmes mais j'ai bien les nerfs. Tu peux ranger tes armes ou au pire aller niquer ta mère. Moi j'ai rien demandé et le peuple non plus. On veut tous la paix putain à quand le marché conclu. J'ai bientôt plus de souffle, j'ai les poumons dilatés. À force de boiter les valeurs philistes handicapées. La vie n'a plus d'attelle, mais te casse les jambes. Toi tu fais le rebelle, mais dos tourné tu te cambres. Réussir c'est garder ses principes. Réunir c'est quand tout le monde participe. Yeah. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvre les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule égalité. La face du monde est voilée, la vérité n'est pas dévoilée. Nos pensées dénoncent accus et complots d'inégalités. Ouvre les yeux, ici y a plus de liberté. Plus de fraternité, on a que la haine pour seule mentalité. Du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte. On nous interdit de dire ce que nous pensons. À elle seule, cette interview devrait suffire à m'envoyer en prison sans jugement.